Pareil qu'en Amérique, il y a des bombes atomiques qui retourneront la Terre si on accorde la guerre. Mais au fort flip, c'est pire, plus personne ne sortira. Il paraît quel malheur, il y a un artrousse. Jamais personne il l'a vu, on dit bien qu'il est vieux, mais on n'en sait pas plus. Ça se passe tous les soirs, mais alors, mais quand il fait bien noir, on dit bien là, la trousse. Les filles deviennent sans talent, vont tard tous dans leur culotte, ça c'est tellement qu'elles ont peur. Elles pâlissent, elles maigrissent. Ah, je vous assure que c'est bien triste. Tout ça à cause des farceurs et de la trousse. On l'est. Ça m'a fait du mal, bien quand j'ai su que le pâle. Ah, Julien Bossu n'existe plus. Ça avec une grande tristesse, un souvenir d'une jeunesse qui s'en va et qui n'a bien plus. Oh là là, ça m'a fait mal. Qu'est-ce qui a pas connu dans sa Bossu? Qu'est-ce qui a pas dansé et puis fréquenté? Qu'est-ce qui a pas trouvé un petit bon ami? Celui qui dit que c'est pas vrai, c'est qu'il est pas d'ici. Elle est belle celle-là. C'est bon? C'est dans la boîte?